j'étais chez mon père, petit garçon pastourio, m'envoyait au land pour garder les igneaux. Gens de la Grignola, de la montagne du Candiraton, de la montagne à la Faridondaine, zim zim zim anayou. Le Louis est venu, ma ravie le plus bio, si n'eût été goulu, m'aurait laissé la pio. Jean de la Grignola, de la montagne du Candiraton, de la montagne à la Faridondaine, dim, dim, dim, malayou, you, you, you, you. Pour faire à ma grand-mère un bien joli mantiot, et du bout de la queue un petit chalumeau. Oh, oh, Jean de la Grignolade, la montagne du Candiraton, de la montagne la Faridondaine, din, din, din, malayou, you, you, you, you.